Chapitre 2e. Concha. De son côté, l'Espagnol, les voyant entrer, courut à elle, sans remercier le chevalier de Charny de sa politesse, car il avait encore son insulte sur le cœur. Et s'il s'était tu, c'était plutôt grâce à la paix que cimentaient alors les deux nations que par défaut de bravoure. D'ailleurs, les duels étaient alors défendus en Espagne autant qu'en France, et à cette table, il pouvait se trouver des espions ravis de le dénoncer. Pour le chevalier, il ignorait encore la gravité de son injure. L'Espagnol auquel il avait affaire n'était pas moins que le fils du duc de Medinaceli, jeune homme de haute naissance et d'une fortune plus grande encore. Il n'avait pas 20 ans, et on lui en eût donné 30, tant il paraissait déjà voûté. Il n'avait rien du faste et de l'orgueil de son rang. À la sévérité du costume qu'il portait ce jour-là, on le prit plutôt pour un étudiant qui tend de la veille les récollets de Burgos que pour le fils de l'un des plus riches seigneurs de la cour d'Espagne. Cependant, son visage offrait le type caractéristique des grandes sereignes échues au pinceau de Velázquez. Il avait cette longueur maigre et cette pâleur maladive à laquelle semblaient prêter encore les collerettes et les rotondes sous Philippe IV. Ses moustaches se relevaient en crocs luisants sur des joues ternes et caves. Il portait des cheveux pendants et un habit de couleur sombre orné de larges roses noires. Sa lèvre était plissée, son œil hardi et impératif. Sa petite taille nuisait seule à cet ensemble assez noble. Il n'arrivait guère qu'à l'épaule du chevalier de Charny. Il présenta la main à la plus jeune des dames qui venait d'arriver dans la salle basse. Puis il se tint humblement debout derrière elle pendant que les valets faisaient le service autour de la table. Dès l'apparition de cette admirable personne dans l'hôtellerie des deux anges, il s'était élevé bien vite un murmure de surprise et d'admiration parmi les convives, et nous venons de voir que le chevalier de Charny lui-même, cédant à l'impression soudaine d'une si éclatante beauté, s'était empressé de faire place à la dame qu'accompagnait sa suivante. Son ami en fit autant. À vrai dire, ce dernier, en imitant l'exemple de monsieur de Charny, ne put réprimer une moue légère. Il trouvait la place bonne et il ne lui convenait guère de manger debout. Mais le chevalier le contint d'un coup d'œil et ils s'en furent se coller tous deux contre la tapisserie d'en face afin de mieux contempler cette déesse qui allait dîner comme une simple mortelle. Ceux qui reprochent, on ne sait trop pourquoi, aux dames d'Espagne d'être brunes, aurait trouvé dans le seul teint de celle-ci le démenti le plus éclatant. Sa peau blanche et fine était sillonnée de ses grandes veines bleues qui ont un charme indicible dans une belle femme. Ses lèvres, d'un rouge de grenade, étaient peut-être un peu fortes, mais elles s'alliaient merveilleusement au tour enjoué de son visage et à l'expression de ses yeux noirs fendus en amande. Elle avait de fort belles dents, mérite assez rare pour une Espagnole, des cheveux abondants et noués de rubans à l'infini, des mains et des épaules exquises de modeler. Un corsage de soie noire où le jais ruisselait à profusion serrait sa taille de guêpe et se découpait mollement sur sa poitrine. Elle n'avait aucune broderie d'argent, car l'argent sous ce règne était défendu en Espagne. Et elle était d'ailleurs encore en deuil, mais elle s'en dédommageait par de fort belles bagues enchâssées de pierreries. « C'est la comtesse de Liche, l'adorable veuve, » murmura-t-on bientôt autour d'elle. « Ne dirait-on pas d'une fée ou d'une reine ? Assurément, l'île de la conférence n'aura pas vu de plus suave merveille. Elle méritait bien que ce cavalier lui fît place. » À peine assise, la comtesse promena d'abord sur le cercle tumultueux des convives son regard doux et limpide. Ceux qui se trouvaient là étaient tous espagnols, à l'exception du capitaine au manteau râpé qui avait offert au chevalier de Charny d'être son second, et qui ravageait les plats avec une ferveur incroyable jusqu'à tremper ses manches dans les sauces. Après avoir salué quelques personnes d'une légère inclination de tête, la comtesse arrêta ses yeux sur le chevalier qu'elle reconnut à merveille, car il avait déjà vu Madrid l'année précédente, au mois d'octobre, dans la plus belle compagnie, celle des abbés de Feuquières, de Villiers, de Castellane, du comte de Quincé, de Toulonjon, de Guiche, de Louvigny et d'une infinité d'autres seigneurs escortant M. de Gramont. La comtesse de Liche se rappelait même les persécutions amoureuses du chevalier dans un certain bal donné chez l'amirante de Castille, elle avait un soir admiré ses broderies au jeu de Don Luis de Haro, dont elle se trouvait parente. Arrivée comme tant d'autres de Madrid pour jouir des fêtes qui devaient précéder et suivre le mariage de l'infante, elle s'était fixée à Saint-Jean-de-Luz, où il y avait encore peu de Français, presque tous se trouvant alors à Saint-Sébastien. C'était une beauté rieuse et coquette jusqu'à l'excès, se moquant fort de la largeur des canons que portaient les gentilshommes de Louis XIV, riant bien haut des curieux du Marais qui venaient voir dîner le roi d'Espagne et manquaient de l'étouffer, s'embarrassant peu du rétablissement du roi d'Angleterre en son royaume et des exploits que Monk pouvait faire, douée comme jamais femme ne le fut, cachant ses caprices sous le manteau du veuvage, et regardant le malheureux fils du duc de Médina, qu'elle tenait en laisse, de l'air dont la superbe Diane regarde un lévrier qu'elle a soumis. Le jeune Espagnol se tenait debout comme un nain derrière la nonchalante comtesse, habitué peut-être à dîner par cœur, en se repaissant les yeux de sa beauté, mais dans le fond de son âme, piqué à l'extrême du salut qu'elle venait de rendre à monsieur de Charny, dont, par un manège assez adroit, elle ne se trouvait séparée que par un rang de convives. « Pourquoi donc, cher duc, ne pas dire vous-même, monsieur le chevalier et à son ami, de venir causer un peu avec moi ? Pensez-vous que je vienne ici pour manger ? Et n'êtes-vous point jaloux de donner à ces gentilshommes français une meilleure idée de la politesse espagnole ? En pareille circonstance, votre père eût fait venir deux nègres auxquels il eût dit de s'agenouiller, et on eût dressé le couvert sur leurs épaules. Vous ne serez bon qu'à faire un théologien. Vous ne savez rien des belles manières. » Mélita, continua-t-elle en s'adressant à sa duègne, et comme pour se venger du silence résolu que gardait son cortejo, vois donc comme le plus jeune de ces Français gentils, on dirait une femme, n'étaient ses moustaches. Je gage qu'il ne jure pas, et que le vin de Valdepenas lui brouille le cœur. » En parlant ainsi, et en faisant mine de croquer une alouette, vis-à-vis de laquelle elle jouait la pantomime du chat contre la souris, la comtesse examinait le compagnon de monsieur de Charny et paraissait absorbée comme malgré elle dans la contemplation de ce jeune et frais visage. C'était un cadet de 19 à 20 ans, l'air espiègle, joyeux, plus délibéré peut-être qu'on eût pu l'attendre de son âge, les yeux noirs, les mains et les joues marquées de fossettes, ayant dans chacun de ses mouvements une sève de vie et de santé sans égale, les lèvres roses, le teint clair. Il était habillé à la dernière mode de France, avec le juste corps fleur de seigle à longue raie d'argent, la chemisette passante, les manchettes larges et les bottines à dentelle, la taille et la jambe si admirablement prises qu'en le voyant marcher même à côté de Charny, les dames de Saint-Jean-de-Luz ne pouvaient s'empêcher de s'écrier elles-mêmes « Un lindo mozo », le joli garçon. Mais avec cela, si jeune et si efféminé, il faut bien le dire, que beaucoup d'entre elles lui eussent offert des pralines. « Gabriel, dit Charny, sais-tu que je suis jaloux ? La comtesse de Liche te regarde avec des yeux. » Et le chevalier sourit lui-même, comme s'il eût connu mieux que personne la faiblesse de ce rival qu'il semblait réellement ne pas craindre. Pour Gabriel, il ne répondit pas et se contenta d'observer à son tour la belle comtesse. « Mais tu as la rage de te placer toujours devant moi, » poursuivit le chevalier impatienté. « Vas-tu faire ainsi durant tout le dîner l'office d'un nuage et me cacher le soleil ?» Ce compliment qui sentait fort le sonnet et que Benserra dut mis en vers fut prononcé exprès assez haut pour que la comtesse de Liche l'entendît. Elle remercia Charny par une œillade et renoubla ses instances au duc de Médina, son amoureux, pour qu'il fît approcher les deux Français arrivés de Saint-Sébastien. « Concha, murmura le duc à son oreille, vous voulez me piquer au jeu ? Si vous tenez à connaître ces deux cavaliers, que ne les invitez-vous à voir passer demain la procession du haut de votre balcon ? Vous avez raison, Gaspard, c'est une idée à laquelle je n'eusse pas songé. Je veux même les avoir après cela au refresco, car le dîner qu'ils font aujourd'hui... » Le repas des deux gentilshommes était en effet assez douteux. La presse était si grande dans l'hôtellerie qu'ils dînaient debout et n'eussent pas mangé grand-chose sans le soin particulier que prenait d'eux et de lui le capitaine dont le chevalier avait refusé les services. Cet homme, qui avait la mine d'un véritable croquant en quête d'une dupe à plumer, regardait Gabriel depuis quelques instants avec une telle insistance que le chevalier, peu endurant de son naturel, lui demanda brusquement le motif de ses regards inquisiteurs. Pressé de répondre, le capitaine Malagotti se leva et, saluant froidement le chevalier de Charny, les traits de ce jeune homme, dit-il en lui montrant Gabriel, me rappelaient en ce moment même ceux d'un enfant que j'ai connu. Et en quel endroit, monsieur ? Dit négligemment le chevalier au capitaine. Pensez-vous avoir connu ce jeune homme ? À Tours, chevalier, près du château de la Marbelière. Oui, si mes souvenirs ne me trompent pas. Vous êtes de Tours ? Murmura Charny. Vous connaissez le château de la Marbelière ? Et celui de Chaumont ? Qui n'en est qu'à 3 lieues. Reprit le capitaine en fixant toujours Gabriel avec intérêt. Chaumont sur la Loire ? Poursuivit Charny, en cherchant à dissimuler l'émotion que faisait naître en lui le souvenir des deux noms évoqués par cet homme. Lorsque j'étais enfant, on m'y amenait parfois. Continua-t-il en baissant le ton de manière à ce que Gabriel ne pût l'entendre. La duchesse de Châtillon s'y était alors réfugiée, continua le capitaine. Elle avait auprès d'elle une jolie fille nommée Suzanne. Vous avez raison. Je crois l'avoir entendu dire, poursuivit Charny, embarrassé de plus en plus, mais affectant l'air distrait. Cette fille n'est-elle pas morte dans un incendie ? Morte ? Reprit le capitaine. Oui, il y a 4 ans de cela. Les gens du pays assurent qu'elle a péri dans les flammes lorsque le cardinal Mazarin fit arrêter madame la duchesse de Châtillon. Si je vous en parle, c'est qu'elle ressemblait à ce jeune homme. On se ressemble de plus loin, dit le chevalier. Seulement, Gabriel est né près d'Effia, en Auvergne. Mais puisque tous deux nous sommes compatriotes, capitaine, continua gaiement Charny, buvons ici à la paix des deux couronnes. Ne m'en voulez pas, au moins d'avoir refusé aux offres, il n'y a qu'un instant, lorsque vous vous proposiez à moi pour second. Gabriel m'en a déjà servi plusieurs fois, tout récemment encore à Fontarabie, tenez. Si vous voulez faire demain, après le combat, une promenade à cheval avec moi au bord de la mer, j'espère être encore de ce monde. Je donnerai l'ordre qu'on vous reçoive à mon auberge. En attendant, buvons. Je vous le répète, car on nous observe, et ces dames ne doivent rien savoir de la querelle entamée entre ce jeune Espagnol et moi. Remplissant alors un large gobelet, le chevalier posa la main sur sa hanche gauche en relevant sa moustache, et regardant Concha avec des yeux qui n'exprimaient que trop l'hardiesse de sa flamme. À la santé de la reine des Espagnes, dit-il en choquant son verre contre celui de Gabriel et de Malagotti, et que le roi de France soit toujours aussi sûr de ses sujets qu'elle l'est ici de ceux qui la servent. Ces paroles dites, il but sa rasade d'un trait, et tous les convives, qui étaient gens d'accommodement, interprétèrent son toast en faveur de leur véritable souveraine. Mais Don Gaspard de Médina n'eut garde de s'y méprendre, et démêlant un regard d'intelligence entre Concha et le chevalier, il fit signe à un page de faire avancer son carrosse. Ne venez-vous pas prendre le frais sur l'acheté, dit-il à la belle comtesse de Liche. J'ai donné l'ordre qu'on attelât ce soir ces deux chevaux Isabelle que vous aimez tant. Permettez-moi du moins, cher Gaspard, répondit Concha, qui ne voyait que trop bien les dispositions hostiles du duc, de répondre à la santé que monsieur le chevalier de Charny vient de porter à la reine. Bientôt, dites-vous, la paix sera conclue et publiée dans tout le royaume. Eh bien, dût-ce encourroucer votre bravoure, je veux boire à la paix. Messieurs, continua-t-elle en se levant, que chacun de vous choque son verre contre le mien. C'était là une provocation trop douce pour que les plus indifférents ne s'y rendissent pas. Tous les cavaliers se levèrent donc et s'en furent trinqués à la paix avec la belle comtesse. Quand ce fut le tour de Charny, chevalier, lui dit-elle, j'espère que vous viendrez demain à mon jeu. Il ne vaut pas, je le sais, celui du cardinal Mazarin, mais vous serez indulgent. N'oubliez pas d'y amener votre jeune ami, dont je vous prie de me dire le nom. Il s'appelle, madame, le baron Gabriel de Chaville. On m'a confié le soin de son éducation, et si vous daignez m'aider... La comtesse tendit sa main à Charny, qui déposa sur cette police et blanche le baiser le plus passionné. Ce fut la blessure la plus incisive pour le duc qui observait ce manège. Il en ressentit l'aiguillon comme le taureau que perce et qu'irrite une banderie lancée. « Monsieur de Charny, dit-il au chevalier en passant près de lui, vous m'avez prévenu que vous comptiez demeurer toute la semaine aux armes du roi. C'est un meilleur endroit que celui-ci pour y avoir une querelle, car il donne sur la jetée de Saint-Jean-de-Luz. Et près de la jetée, il y a, n'est-ce pas, monsieur le duc, un endroit où le flot ne monte qu'à 7 heures. À 6, j'y serai à vos ordres, avec mon témoin. Et moi avec le mien, chevalier de Charny, comptez sur moi. La comtesse n'entendit rien de ce dialogue rapide et monta bientôt dans le carrosse du duc, dont elle fit lever tous les mantelets pour qu'on la vît bien, et que les bourgeois de Saint-Jean-de-Luz, comme les Français, n'en réchappassent pas, malgré la trêve.